Colette. Gigi. N'oublie pas que tu vas chez tante Alicia. Tu m'entends, Gilberte? Viens que je te roule tes papillotes. Tu m'entends, Gilberte? Je ne pourrais pas y aller sans papillotes, grand-mère. Je ne le pense pas, dit avec modération madame Alvarez. Elle posa sur la flamme bleue d'une lampe à alcool le vieux fer à papillotes dont les branches se terminaient par deux petits hémisphères de métal massif et prépara les papiers de soie. « Grand-mère, si tu me faisais un cran d'ondulation sur le côté pour changer ?»« Il n'en est pas question. Des boucles à l'extrémité des cheveux, c'est le maximum d'excentricité pour une jeune fille de ton âge. Mets-toi sur le banc de pied. » Gilberte pria pour s'asseoir sur le banc, ses jambes erroniennes de 15 ans. Sa jupe écossaise découvrait ses bas de fil à côte jusqu'au-delà des genoux, dont la rotule ovale, sans qu'elle s'en doutât, était la perfection même. Peu de mollets, la voûte du pied haute, de tels avantages conduisaient madame Alvarez à regretter que sa petite fille n'eût pas travaillé la danse. Pour l'instant, elle n'y songeait pas. Elle pinçait à plat, entre les demi-boules du fer chaud, les mèches blondes cendrées, cournées en rond et emprisonnées dans le papier fin. Sa patience, l'adresse de ses mains douillettes, assemblait en grosses boucles dansantes et élastiques l'épaisseur magnifique d'une chevelure soignée qui ne dépassait guère les épaules de Gilberte. L'odeur vaguement vanillée du papier fin, celle du fer chauffé, engourdissait la fillette immobile. Aussi bien, Gilberte savait que toute résistance serait vaine. Elle ne cherchait presque jamais à échapper à la modération familiale. « C'est Frasquita que maman chante aujourd'hui ?»« Oui, et ce soir, si j'étais roi. Je t'ai dit déjà que quand tu es assise sur un siège bas, tu dois rapprocher tes genoux l'un de l'autre et les plier ensemble, soit à droite, soit à gauche, pour éviter l'indécence. » « Mais grand-mère, j'ai un pantalon et mon jupon de dessous. » « Le pantalon est une chose, la décence en est une autre, » dit madame Alvarez. « Tout est dans l'attitude. »« Je le sais, tante Alicia me l'a assez répété, » murmura Gilberte sous le toit de cheveux. « Je n'ai pas besoin de ma sœur, » dit aigrement madame Alvarez, « pour t'inculquer des principes de convenances élémentaires. Là-dessus, Dieu merci, j'en sais un peu plus qu'elle. » « Si tu me gardais ici, grand-mère, j'irai voir tante Alicia dimanche prochain. »« Vraiment, » dit madame Alvarez avec hauteur, « tu n'as pas d'autre suggestion à me faire ?»« Si, » dit Gilberte, « qu'on me fasse des jupes un peu plus longues, que je ne sois pas tout le temps pliée en Z dès que je m'assois. »« Tu comprends, grand-mère, tout le temps, il faut que je pense à mon ce que je pense avec mes jupes trop courtes. » « Silence! Tu n'as pas honte d'appeler ça ton ce que je pense ?»« Je ne demande pas mieux que de lui donner un autre nom, moi. » Madame Alvarez éteignit le réchaud, mira dans la glace de la cheminée sa lourde figure espagnole et décida « Il n'y en a pas d'autre !» De dessous la rangée d'escargots blonds cendrés jaillit un regard incrédule d'un beau bleu foncé d'ardoise mouillée. Et Gilberte se déplia d'un bond. « Mais, grand-mère, tout de même, regarde, on me ferait mes jupes une main plus longue, ou bien on me rajouterait un petit volant. Voilà qui serait agréable à ta mère de se voir à la tête d'une grande cavale qui paraîtrait au moins 18 ans. Avec sa carrière, raisonne un peu. « Oh, je raisonne, » dit Gilberte, « puisque je ne sors presque jamais avec maman, « quelle importance ça aurait-il ?» Elle rajusta sa jupe qui remontait sur son ventre creux et demanda « Je mets mon manteau de tous les jours, c'est bien assez bon. À quoi saurait-on que c'est dimanche alors ? Mets ton manteau uni et ton canotier bleu marine. Quand auras-tu le sens de ce qui convient ?» Debout, Gilberte était aussi haute que sa grand-mère. À porter le nom espagnol d'un amant défunt, madame Alvarez avait acquis une pâleur beurrée, de l'embonpoint, des cheveux lustrés à la brillantine. Elle usait de poudre trop blanche, le poids de ses joues lui tirait un peu la paupière inférieure, si bien qu'elle avait fini par se prénommer Inès. Autour d'elle gravitait en bon ordre sa famille régulière. André, sa fille célibataire, abandonnée par le père de Gilberte, préférait maintenant à une prospérité capricieuse la sage vie des secondes chanteuses dans un théâtre subventionné. Tant Alicia, on n'avait jamais entendu dire que quelqu'un lui eût parlé mariage, vivait seule, de rente qu'elle disait modeste, et la famille faisait grand cas du jugement d'Alicia comme de ses bijoux. Madame Alvarez toisa sa petite fille du canotier en feutre orné d'une plume couteau jusqu'aux souliers Molière de confection. « Tu ne peux donc pas rassembler tes jambes. Quand tu te tiens comme ça, la scène te passerait dessous. Tu n'as pas l'ombre de ventre et tu trouves le moyen de pousser le ventre en avant. Égante-toi, je te prie. » L'indifférence des enfants chastes gouvernait encore toutes les attitudes de Gilberte. Elle avait l'air d'un archer, elle avait l'air d'un ange raide, d'un garçon en jupe, elle avait rarement l'air d'une jeune fille. « Te mettre des robes longues, toi qui n'as pas la raison d'un enfant de 8 ans, disait Madame Alvarez. « Gilberte me décourage, soupirait André. « Si tu ne te décourageais pas pour moi, tu te découragerais pour autre chose, repartait paisiblement Gilberte. Car elle était douce et s'accommodait d'une vie casanière, presque exclusivement familiale. Pour son visage, personne n'en prédisait rien encore. Une grande bouche, que le rire ouvrait sur des dents d'un blanc massif et neuf, le menton court et, entre des pommettes hautes, un nez. « Mon Dieu, où a-t-elle pris cette petite truffe ?» soupirait sa mère. « Ma fille, si tu n'en sais rien, qui le saura ?» répliquait Madame Alvarez. Sur quoi André, prude trop tard, fatigué trop tôt, gardait le silence, tâtait machinalement ses amygdales sensibles. « Gigi, assurait tante Alicia, c'est un lot de matières premières. Ça peut s'agencer très bien comme ça peut tourner très mal. « Grand-mère, on a sonné, je vais ouvrir en allant. »« Grand-mère, cria-t-elle dans le couloir, c'est tonton Gaston. » Elle revint, accompagnée d'un long homme jeune qu'elle tenait par le bras, en lui parlant d'un air de cérémonie et d'enfantillage, comme font les écolières en récréation. « Quel dommage, tonton, de vous quitter si vite. Grand-mère veut que j'aille voir tante Alicia. Quelle voiture vous avez aujourd'hui? C'est votre nouvelle Dodion Bouton 4 places décapotable? Il paraît qu'on peut la conduire d'une seule main. J'espère, tonton, que vous en avez de beaux gants. Alors, tonton, vous êtes fâché avec Liane? Gilberte, ça te regarde? Blâma Madame Alvarez. Mais grand-mère, tout le monde le sait. C'était dans le Gil Blas, ça commençait par... Une secrète amertume se glisse dans le produit sucré de la betterave. Aux cours supplémentaires, elles m'en ont toutes parlé parce qu'elles savent que je vous connais. Et vous savez, tonton, on ne lui donne pas raison, Aliane, aux cours supplémentaires. On dit qu'elle n'a pas le beau rôle. Gilberte, répéta Madame Alvarez, dit au revoir à Monsieur Lachaille et disparaît. « Laissez-la, cette petite !» soupira Gaston Lachaille. « Elle n'y met pas de malice, elle, au moins. Et c'est parfaitement vrai que tout est fini entre Liane et moi. Tu vas chez tante Alicia, Gigi. Prends mon auto et renvoie-la-moi. » Gilberte fit un cri, un saut de joie, embrassa Lachaille. « Merci, tonton. Non, la tête de tante Alicia. La bobine de la concierge. Elle partit avec autant de bruit qu'un poulain non ferré. « Vous la gâtez, Gaston, » dit Madame Alvarez. En quoi elle parlait contre la vérité. Gaston Lachaille ne connaissait de gâterie et de faste que réglementaire. Ses automobiles, son morne hôtel sur le parc Monceau, les mois de Liane et ses bijoux d'anniversaire, le champagne et le baccarat à Deauville l'été, à Monte-Carlo l'hiver. De temps en temps, il laissait tomber sur une souscription un gros don en espèces, achetait un yacht qu'il revendait peu après à un monarque d'Europe centrale, commanditait un journal neuf, mais ne s'en trouvait pas plus gai. En se regardant dans la glace, il disait « Voilà le faciès d'un homme estampé !» Comme il avait le nez un peu long et de grands yeux noirs, le commun des mortels le croyait grugé. Son instinct commercial et sa défiance d'homme riche le gardaient bien. Personne n'avait réussi à lui voler ses perles de chemise, ses étuis à cigarettes en métaux massifs, cloutés de pierreries, ni sa pelisse, doublée de sombres zibelines. Par la fenêtre, il regarda démarrer sa voiture. Cette année-là, les automobiles se portaient hautes et légèrement évasées à cause des chapeaux démesurés qu'imposaient Caroline Otero, Liane de Pougy et d'autres personnes, notoires en 1899. Aussi, les voitures versaient-elles mollement dans les virages. « Mamita, dit Gaston Lachaille, vous ne me feriez pas une camomille ?»« Plutôt deux qu'une, dit Madame Alvarez. Asseyez-vous, mon pauvre Gaston !» D'un fauteuil affaissé, elle retira des illustrés concaves, un bas à remailler, une boîte de réglisse, dit « agent de change ». L'homme trahi se laissa glisser avec délice, pendant que l'hôtesse disposait le plateau et les deux tasses. « Pourquoi la camomille que l'on me fait chez moi sent-elle toujours le vieux chrysanthème ?» soupira Gaston. « Affaire de soin. Vous me croirez si vous voulez, Gaston. Bien des fois, je cueille ma meilleure camomille à Paris même, dans des terrains vagues, une camomille toute petite qui n'a pas d'aspect. Mais elle a un goût exquis. Mon Dieu, que votre complet est donc d'une belle étoffe. C'est distingué au possible, cette rayure fondue. Voilà une étoffe comme votre pauvre père les aimait. Mais il est porté, je dois dire, avec moins de chic que vous. » Madame Alvarez n'évoquait qu'une fois par entretien la mémoire d'un Lachaille le père qu'elle assurait avoir beaucoup connu. De ses relations anciennes, vraies ou fausses, elle ne retirait guère d'autre avantage que la familiarité de Gaston Lachaille et le plaisir de pauvre que goûtait l'homme fortuné assez halte dans le vieux fauteuil. Sous un plafond terni par le gaz, trois créatures féminines ne lui réclamaient ni collier de perles, ni solitaire, ni chinchilla, et savait parler avec décence et considération de ceux qui étaient scandaleux, vénérables et inaccessibles. Dès sa 12e année, Gigi savait que le gros rang de perles noires de Madame Otero était trempé, c'est-à-dire teint artificiellement, mais que son collier à trois rangs étagés valait un royaume, que les 7 rangs de Madame de Pougy manquaient d'animation, que le fameux boléro en diamant d'Eugénie Fougère, c'était 3 fois rien, et qu'une femme qui se respecte ne se balade pas, comme Madame Antokolski, dans un coupé doublé de satin mauve. Elle avait docilement rompu avec sa camarade de cour Lydia Poré, lorsque celle-ci lui avait montré un solitaire monté en bague, dont du baron Ephraim. « Un solitaire !» s'était écriée Madame Alvarez. « Une fille de 15 ans, je pense que sa mère est folle !» « Mais, grand-mère, plaidait Gigi, ce n'est pas sa faute à Lydia si le baron le lui a donné. »« Silence, ce n'est pas le baron que je blâme. Le baron sait ce qu'il a à faire. Le simple bon sens exigeait que la mère Poré mette la bague dans un coffre à la banque en attendant. »« En attendant quoi, grand-mère ?»« Les événements. Pourquoi pas dans sa boîte à bijoux ?»« Parce qu'on ne sait jamais. » Surtout que le baron est un homme à se raviser. Mais, s'il s'est bien déclaré, Madame Poré n'a qu'à retirer sa fille du cours. Jusqu'à ce que tout ça soit tiré au clair, tu me feras le plaisir de ne plus faire tes 2 trajets avec cette petite Poré. A-t-on idée ? Mais si elle se marie, grand-mère ? Se marier ? Avec qui se marier ? Avec le baron. Madame Alvarez et sa fille échangèrent un regard de stupeur. « Cette enfant me décourage !» avait murmuré André. « Elle tombe d'une autre planète !»« Alors, mon pauvre Gaston, dit Madame Alvarez, c'est donc bien vrai cette brouille ?»« D'un sens, pour vous, c'est peut-être mieux. Mais d'un autre sens, je conçois que vous en ayez de l'ennui. À qui se fier, je vous le demande ?» Le pauvre Gaston l'écoutait en buvant sa camomille brûlante. Il y goûtait autant de réconfort qu'à regarder la rosace enfumée de la suspension mise à l'électricité, mais fidèle à sa vaste cloche vernile. Le contenu d'une corbeille à ouvrage se déversait à demi sur la table à manger où Gilberte oubliait ses cahiers. Au-dessus du piano droit, un agrandissement photographique d'après Gilberte, âgé de 8 mois, faisait pendant au portrait à l'huile d'André dans un rôle de « Si j'étais roi ». Un désordre sans Vilni, un ray de soleil printanier dans la guipure des rideaux, une chaleur rampante venue de la salamandre entretenue à petit feu, agissait comme autant de filtres sur les nerfs de l'homme riche, solitaire et trompé. « Est-ce que vous êtes positivement dans la peine, mon pauvre Gaston ?»« À proprement parler, je ne suis pas dans la peine, je suis plutôt dans l'en... enfin, dans l'ennui. » »« Si je ne suis pas indiscrète, reprit Madame Alvarez, comment ça vous est arrivé ? J'ai bien lu les journaux, mais peut-on se fier à eux ?» Lachaille tira sur sa petite moustache relevée au fer, peigna de ses doigts sa grosse chevelure taillée en brosse. Oh, la même chose à peu près que les autres fois. Elle a attendu son cadeau d'anniversaire et puis elle s'est trottée. Maladroite avec ça, au point qu'elle est allée se fourrer dans un coin de Normandie tellement petit, ça n'a pas été sorcier de découvrir qu'il n'y avait que 2 chambres à l'auberge, une occupée par Liane, l'autre par Sandomir, un professeur de patinage au Palais de Glace. C'en est un qui fait valser Polaire au 5 o'clock, n'est-ce pas ? Ah, les femmes ne savent plus garder les distances aujourd'hui. Et juste après son anniversaire. Ah, ce n'est pas délicat. C'est même tout ce qu'il y a d'incorrect. Madame Alvarez tournait sa cuillère dans la tasse, le petit doigt en l'air. Quand elle baissait le regard, ses paupières ne couvraient pas tout à fait les globes bombés de ses yeux et sa ressemblance avec George Sand devenait évidente. « Je lui avais donné un rang, » dit Gaston Lachaille, « mais ce qui s'appelle un rang, 37 perles, celle du centre, était comme mon pouce. » Il avança son pouce blanc et soigné, auquel Madame Alvarez manifesta l'admiration due à une perle du centre. « Vous faites les choses en homme qui sait vivre, » dit-elle. « Vous avez le beau rôle, Gaston. »« J'ai le rôle du cocu, oui. » Madame Alvarez ne parut pas l'entendre. « Je serai que de vous, Gaston, je chercherai à la vexer. Je prendrai une femme du monde. »« Merci du remède, » dit Lachaille, qui mangeait distraitement les agents de change. « Je me suis laissé dire, en effet, qu'il est quelquefois pire que le mal, » appuya discrètement Madame Alvarez. « C'est changer son cheval borgne contre un aveugle. » Puis elle respecta le silence de Gaston Lachaille. Un son étouffé de piano traversait le plafond. Sans parler, le visiteur tendit sa tasse vide que remplit Madame Alvarez. « Tout va bien dans la famille. Quelle nouvelle de tante Alicia ?»« Ma sœur, vous savez, elle est toujours la même, très fermée, très en dessous. Elle dit qu'elle aime mieux vivre sur un beau passé que sur un vilain présent. » Son roi d'Espagne, son Milan, son Khedive, des rajas par paquet de 6, à l'en croire. Elle est gentille avec Gigi. Elle la trouve, comme de juste, un peu en retard, et elle la fait travailler. Ainsi, la semaine passée, elle lui a appris à manger d'une manière impeccable le homard à l'américaine. Pourquoi faire ? Alicia dit que c'est excessivement utile. Elle dit que les 3 pierres d'achoppement dans une éducation, c'est le homard à l'américaine, l'œuf à la coque et les asperges. Elle dit que le manque d'élégance en mangeant a brouillé bien des ménages. « Ça c'est vu, » dit Lachaille rêveur, « ça c'est vu. » « Oh, Alicia n'est jamais bête. Gigi, elle, ça fait son affaire, elle est si gourmande. Si elle avait la tête aussi active que les mâchoires. » Mais elle est comme une enfant de 10 ans. Et vous avez de beaux projets pour la fête des fleurs ? Vous comptez encore une fois nous éblouir ? Fichtre non, grogna Gaston. Je vais profiter de mes malheurs pour faire des économies de roseaux rouges cette année. Madame Alvarez joignit les mains. Oh, Gaston, vous n'allez pas faire ça. Sans vous, le défilé aurait l'œil en deuil. Il aura l'air de ce qu'il voudra, dit sombrement Gaston. Vous laisseriez la bannière brodée à des Valérie Chéniaguin ? Ah, Gaston, on ne verra pas ça !»« On le verra, dit Gaston. Valérie a les moyens. » »« Surtout qu'elle ne s'y ruine pas. Gaston, l'an dernier, c'est 10 000 bouquets à jeter. Vous savez d'où ils venaient ? Elle avait embauché 3 femmes pendant 2 jours et 2 nuits pour ficeler, et les fleurs étaient achetées aux Halles. Aux Halles ! Il y avait juste les 4 roues, le fouet du cocher et les harnais qui étaient signés La Chaume. Je retiens le truc, dit la chaille égayée. Tiens, j'ai mangé tous les réglisses. Le pas martelé de Gilberte sonna militairement dans l'antichambre. Déjà toi, dit madame Alvarez. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, dit la petite, que tante Alicia était mal en train. L'essentiel, c'est que je me suis promenée dans le teuf-teuf à tonton. Sa bouche se fendit sur ses dents qui brillèrent. Vous savez, tonton, pendant que j'étais dans votre auto, je faisais une tête de martyr, comme ça, pour avoir l'air blasé sur tous les luxes. Je me suis bien amusée. Elle jeta au loin son chapeau, ses cheveux empiétèrent sur ses tempes et ses joues. Elle s'assit sur un tabouret assez haut et remonta ses genoux jusqu'à son menton. « Alors, tonton, vous avez l'air cauchemardé. Vous voulez que je vous fasse un piquet ? C'est dimanche, maman ne revient pas entre la matinée et la soirée. Qui c'est qui m'a mangé tous mes réglisses ? Ah, tonton, ça ne va plus aller, nous deux. Vous me les remplacerez, au moins ?» Gilberte, de la tenue, gronda madame Alvarez. « Descends tes genoux. Tu crois que Gaston a le temps de s'occuper de tes réglisses ? Tire ta jupe. »« Gaston, voulez-vous que je la renvoie dans sa chambre ?» Le fils Lachaille, les yeux sur le jeu de cartes usagé que maniait Gilberte, luttait contre une terrible envie de pleurer un peu, de raconter ses malheurs, de s'endormir dans le vieux fauteuil et de jouer au piquet. « Laissez-la, cette petite. Ici, je respire. » Je me repose. Gigi, je te joue 10 kilos de sucre. Ce n'est guère appétissant, votre sucre. J'aime mieux des bonbons. C'est la même chose, et le sucre est plus sain que les bonbons. Vous le dites parce que c'est vous qui le fabriquez. Gilberte, tu perds le respect. Les yeux désolés de Gaston Lachaille sourirent. Laissez-la dire, mamita. Et si je perds, Gigi, qu'est-ce que tu veux ? « Des bas de soie ?» La grosse bouche enfantine de Gilberte s'attrista. « Les bas de soie, ça me donne des démangeaisons. J'aimerais mieux... » Elle leva vers le plafond sa figure d'ange camard, pencha la tête, versa d'une joue sur l'autre les boucles de ses cheveux. « J'aimerais mieux un corset perséphone, vernil, avec les jarretières brodées en rose rococo. Non !» Plutôt en rouleau à musique. Tu travailles la musique ? Non, mais mes camarades du cours supérieur mettent leurs cahiers dans des rouleaux à musique parce que ça fait élève du conservatoire. Gilberte, tu frises l'indiscrétion, dit madame Alvarez. Tu auras ton rouleau et tes réglisses. Coupe, Gigi. L'instant d'après, le fils Lachaille et les sucres disputaient ardemment les enjeux. Son nez important qui sonnait le creux, ses yeux un peu nègres, n'intimidaient pas sa partenaire qui, accoudée, les épaules au niveau des oreilles, le bleu des yeux et le rouge des joues exaspérés, ressemblait à un page sous. Tous deux jouaient passionnément et à petit bruit, échangeaient des injures sourdes. « Grande araignée, oseille en graines !» disait la chaille. « Née de corbeau !» repartait la petite. Le crépuscule de mars descendit sur la rue étroite. « Ce n'est pas pour vous faire fuir, Gaston, dit madame Alvarez, mais il est 7h30. Vous permettez que j'aille un instant voir notre dîner ?»« 7h30 !» s'écria Lachaille, « et moi qui dîne chez Larue avec 2 Dion, Fédot et 1 Bartou ?»« Le dernier tour, Gigi !»« Pourquoi 1 Bartou ?» demanda Gilberte. « Il y en a plusieurs, des Bartou ?»« 2 !» Un qui est joli garçon et l'autre qui l'est moins. Le plus connu, c'est le moins joli garçon. « Ce n'est pas juste, » dit Gilberte. « Et Fédot, qu'est-ce que c'est ?» Lachaille, de stupeur, déposa ses cartes. Ça, par exemple, elle ne connaît pas Feydeau. Tu ne vas donc jamais au théâtre ? Presque jamais, tonton. Tu n'aimes pas le théâtre ? Pas follement. Et grand-mère et tante Alicia disent que le théâtre empêche de penser au sérieux de la vie. Ne dites pas à grand-mère que je vous l'ai dit. Elle souleva sur ses oreilles le flot de ses cheveux et les laissa retomber en soufflant. Fou ! Ce que ça me tient chaud, cette fourrure ! Et qu'est-ce qu'elles appellent le sérieux de la vie ? Oh, je ne le sais pas par cœur, tonton Gaston. Et elles ne sont pas toujours d'accord. Grand-mère me dit, défense de lire des romans, ça donne le cafard. Défense de mettre de la poudre, ça gâte le teint. Défense de porter un corset, ça gâte la taille. Défense de s'arrêter seule aux vitrines des magasins. Défense de connaître les familles des camarades de cours, surtout les pères qui viennent chercher leurs filles à la sortie du cours. Elle parlait vite, en respirant entre les mots, comme les enfants qui ont couru. Là-dessus, voilà tante Alicia qui y va d'un autre son de cloche. Et j'ai passé l'âge du corset brassière, et je dois prendre des leçons de danse et de maintien, et je dois me tenir au courant et savoir ce que c'est qu'un cara, et ne pas m'en laisser mettre plein la vue par le chic des artistes. C'est bien simple qu'elle me dit. De toutes les robes que tu vois sur la scène, il n'y en a pas une sur 20 qui ne serait pas ridicule au pesage. Enfin, j'en ai la tête qui éclate. Qu'est-ce que vous mangerez ce soir chez la rue, tonton ? Est-ce que je sais ? Des filets de sole au moule pour changer. Et une selle d'agneau aux truffes, naturellement. Grouille, Gigi, j'ai 5 cartes. Et vous tombez sur un bec de gaz. J'ai un jeu de voleurs. Ici, on mangera le reste du cassoulet réchauffé. J'aime bien le cassoulet. C'est simplement du cassoulet au couen, dit avec modestie Inès Alvarez qui rentrait. Loin n'était pas abordable cette semaine. Je vous en ferai envoyer une de bon abri, dit Gaston. Merci beaucoup, Gaston. Gigi, aide Monsieur Lachaille à passer son pardessus. Donne-lui sa canne et son chapeau. Quand Lachaille partit, maussade, flairant et regrettant le cassoulet réchauffé, Madame Alvarez se retourna vers sa petite fille. Veux-tu me dire, Gilberte, pourquoi tu es revenue si tôt de chez tante Alicia ? Je ne te l'ai pas demandé devant Gaston, parce qu'il ne faut jamais agiter ces questions de famille devant un tiers. Souviens-t'en. C'est pas sorcier, grand-mère. Tante Alicia avait sa petite dentelle sur la tête en signe de migraine. Elle me dit, ça ne va pas. Je lui dis, oh, alors je ne veux pas te fatiguer, je retourne chez nous. Elle me dit, repose-toi 5 minutes. Oh, je lui dis, je ne suis pas fatiguée, je suis venue en voiture. En voiture, elle me dit, en levant ses mains comme ça. J'avais gardé l'auto 2 minutes pour la montrer à tante Alicia, tu penses ? Oui, je lui dis, la 2 Dion Bouton à 4 places décapotable que tonton m'a prêtée pendant qu'il est chez nous. Il est fâché avec Liane. À qui crois-tu donc parler, qu'elle me fait ? Je ne suis pas encore au tombeau pour ignorer les choses qui sont de notoriété publique. Je le sais qu'il est fâché avec ce grand candélabre. Eh bien, retourne chez vous au lieu de t'ennuyer avec une pauvre vieille femme malade comme moi. Elle m'a fait au revoir par la fenêtre quand je suis montée en voiture. Madame Alvarez pinçait la bouche. Une pauvre vieille femme malade, elle qui n'a seulement jamais été enrhumée de sa vie. Quel front, quel... Grand-mère, tu crois qu'il y pensera à mes réglisses et à mon rouleau ? Madame Alvarez leva vers le plafond son regard lent et lourd. Peut-être, mon enfant, peut-être. Mais puisqu'il a perdu, il me les doit. Oui, oui, il te les doit. Peut-être les auras-tu tout de même. Passe ton tablier et mets le couvert. Range tes cartes. Oui, grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qu'il t'a dit de Madame Liane ? C'est vrai qu'elle s'est carapatée avec Sandomir et le collier ? D'abord, on ne dit pas « s'écarapaté ». Ensuite, viens que je serre ton catogan pour que tu ne trempes pas tes boucles dans ton potage. Et troisièmement, tu n'as pas à connaître les faits et gestes d'une personne qui a agi contrairement au savoir-vivre. Ce sont des histoires intimes de Gaston. Mes grand-mères, elles ne sont pas intimes puisque tout le monde en parle et que c'est dans le Gil Blas. Silence. Qu'il te suffise de savoir que la conduite de Madame Liane d'Exelmann a été à rebours du sens commun. Le jambon pour ta mère étant aux deux assiettes, tu le lui laisseras au frais. Gilberte dormait lorsque sa mère, André Alvar, en petit caractère sur les affiches de l'Opéra Comique, rentra. Madame Alvarez-mère, attablée à une patience, lui demanda par habitude si elle n'était pas trop fatiguée. Pour obéir aux us de la politesse familiale, André lui reprocha d'avoir veillé pour l'attendre et Madame Alvarez répliqua rituellement « Je ne dormirai pas tranquille si je ne te savais pas rentrer. Il y a du jambon et un petit bol de cassoulet chaud et des pruneaux cuits. La bière est sur la fenêtre. La petite est couchée ?»« Bien entendu. » André Alvar mangea solidement en témoignant d'un appétit pessimiste. Les fards la rendaient encore plus jolie. Mais démaquillée, elle avait le bord des yeux roses et la bouche décolorée. Aussi, tante Alicia affirmait-elle que les succès d'André sur la scène ne la suivaient pas à la ville. « Tu as bien chanté, ma fille !» André haussa les épaules. « Oui, j'ai bien chanté. Ça m'avance à quoi ? Il n'y en a que pour Tiphaine, tu penses bien. Ah là là, comment est-ce que je supporte une vie pareille ?»« Tu l'as choisie, mais tu la supporterais mieux, dit sentencieusement Madame Alvarez, si tu avais quelqu'un. C'est ta solitude qui te remonte dans les nerfs et qui te fait voir tout en noir. Tu es anormale. » « Oh, maman, ne recommençons pas. Je suis déjà bien assez fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?»« Rien. On ne parle que de la rupture de Gaston avec Liane. »« Je te crois qu'on en parle, jusque sur le plateau de l'Opéra Comique, qui n'est pourtant guère moderne. »« C'est un événement mondial, » dit Madame Alvarez. « Est-ce qu'il y a déjà des pronostics ?» « Tu n'y penses pas, c'est trop récent, il est en pleine désolation. Crois-tu qu'à 8 heures moins le quart, il était assis là où tu es, en train de faire un piqué avec Gigi ? Il dit qu'il ne veut pas aller à la fête des fleurs. »« Non ? Si, s'il n'y va pas, ce sera universellement remarqué. Je lui ai conseillé de réfléchir avant de prendre une décision pareille. » Au théâtre, dit André, il disait qu'une artiste de music-hall aurait des chances, une nommée La Cobra de l'Olympia. Il paraît qu'elle fait un numéro d'acrobatie où on la porte sur la scène dans un panier pas plus grand que pour un fox terrier et elle en sort en se déroulant comme un serpent. Madame Alvarez avança par dédain sa large lèvre inférieure. Gaston Lachaille n'en est tout de même pas aux artistes de music-hall. Rends-lui cette justice qu'il s'est toujours tenu, comme doit le faire un célibataire de sa situation, aux grandes demi-mondaines. « De belles vaches !» murmura André. « Mesure des paroles, ma fille, d'appeler les choses et les personnes par leur nom, ça n'a jamais avancé à rien. Les maîtresses de Gaston avaient de la branche. Une liaison avec une grande demi-mondaine, c'est la seule manière convenable pour lui d'attendre un grand mariage, à supposer qu'il se marie un jour. En tout cas, nous sommes aux premières loges pour être informés quand il y aura du nouveau. Gaston a une telle confiance en moi. Je voudrais que tu l'aies vu me demander une camomille. Un enfant, un véritable enfant. D'ailleurs, il n'a que 33 ans. Et quel poids que cette fortune sur ses épaules !» André cligna ses paupières roses avec ironie. « Plains-le, maman, pendant que tu y es. Ce n'est pas pour réclamer, mais depuis le temps que nous connaissons Gaston, il ne t'a guère montré que sa confiance. Il ne nous doit rien, et nous avons toujours eu par lui du sucre pour nos confitures et pour mon curaçao de temps en temps, et une volaille de ses fermes et des attentions pour la petite. Si tu es contente avec ça... » Madame Alvarez leva haut sa tête majestueuse. « Parfaitement, je suis contente avec ça, d'autant plus que si je ne l'étais pas, ça n'y changerait rien. » En somme, pour nous, ce Gaston Lachaille, qui est si riche, c'est comme s'il ne l'était pas. Si nous étions dans le besoin, est-ce qu'il nous en tirerait seulement ? Madame Alvarez posa sa main sur son cœur. « J'en suis convaincue, » dit-elle. Elle réfléchit et ajouta « Mais j'aime mieux ne pas avoir à le lui demander. » André reprit le journal qui donnait la photographie de la délaissée. En la regardant bien, elle n'est pas extraordinaire. « Si, repartit Madame Alvarez, elle est extraordinaire. La preuve, c'est qu'elle a une renommée pareille. La renommée et les succès, ce n'est pas un effet du hasard. Tu raisonnes comme ces écervelés qui disent « Moi, ça m'irait aussi bien qu'à Madame de Pougy un collier à 7 ans, et je mènerais parfaitement la grande vie aussi bien qu'elle. » Ça me fait hausser les épaules. Emporte le reste de camomille pour baigner tes yeux. Merci, maman. La petite a été chez tante Alicia et dans la propre automobile de Gaston encore. Il la lui a prêtée, une voiture qui fait peut-être du 60 à l'heure. Elle était aux anges. Pauvre choute, je me demande ce qu'elle fera dans la vie. Elle est capable de finir mannequin ou vendeuse. Elle est comme en retard. Moi, à son âge... » Madame Alvarez posa sur sa fille un regard lourd d'équité. « Ne te vante pas trop de ce que tu faisais à son âge. Si mes souvenirs sont exacts, à son âge, tu disais zut à M. Menson, tout minotier qu'il était, tout disposé qu'il était à te faire un sort, et tu t'en allais avec un petit professeur de solfège. » André Alva baisa les bandeaux brillantinés de sa mère. « Ma petite maman, ne me maudis pas à cette heure-ci. J'ai tellement sommeil. Bonne nuit, maman. J'ai répétition à 12h15 demain. Je mangerai à la crèmerie chaude pendant la pause. Ne t'inquiète pas de moi. »